Cœur. Nom masculin. Anatomie. Organes musculaires, creux et pulsatiles, assurant la circulation sanguine dans le corps humain ou animal. En particulier, organes considérés comme susceptibles de mouvements causés par les patients. Ouvrage. Nom masculin. Action de mettre quelque chose en œuvre, de travailler. Objet résultant d'un travail, plus précisément du travail d'un ouvrier, d'un artisan ou encore d'un artiste. Vous écoutez Le cœur à l'ouvrage, un podcast produit et réalisé par Éléonore Duprat. J'accueille à ce micro des invités que je laisse s'exprimer autour de cette question. Qu'est-ce qui leur donne du cœur à l'ouvrage ? Je ne me restreins pas à un type de profession ou de passion. La seule chose qui m'intéresse, c'est de donner le temps à mes invités de s'exprimer autour de ce qui leur tient vraiment à cœur. Mon désir, c'est d'explorer les facettes de nos passions, car elles présentent deux caractéristiques qui m'intéressent particulièrement. Elles sont stimulantes et communicatives. Mon troisième invité s'appelle Stefano Gervasoni. Il est compositeur et professeur de composition au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. C'est là qu'il m'a reçu, accompagné de l'un de ses élèves. Et nous avons parlé de modernité, d'intelligence artificielle, de réception et de transmission, et évidemment, de musique. Je vous souhaite, à tous et à toutes, une très belle écoute. Bonjour Stefano. Bonjour. Alors, le podcast s'appelle « Le cœur à l'ouvrage ». Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui, toi, dans ta pratique quotidienne, te donne du cœur à l'ouvrage ? Ouh là là, question difficile. Tout, en fait. Ouais. Parce que je crois que pour tout artiste, exercer un art, c'est une façon de voir, de vivre et de, surtout de transmettre sous une forme plus ou moins communicable et acceptée. Partager quelque chose qui appartient à notre ressenti, profond ou pas profond, peu importe. L'artiste n'est pas forcément quelqu'un qui a une vision sublime ou qui va plus loin que d'autres. Mais pour moi, c'est surtout quelqu'un qui est capable de transformer tout ça, cette matière un peu noire, grise, bouillonnante, insaisissable, dans quelque chose qui a une forme acceptable et qui apporte du plaisir. D'abord, si je pense à la musique, c'est d'abord une séduction qui arrive aux oreilles. Et des oreilles, elle doit être transmise, l'organe sensoriel privilégié par les compositeurs. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'après, il y a un passage qui va droit au cœur, au cerveau, ou à d'autres organes, mais qui ne s'arrête pas à la simple séduction, au plaisir primaire d'être entouré par un monde sonore, plaisant. Pour moi, la musique est quelque chose qui a un pouvoir cognitif et la force d'un artiste est de savoir tirer d'éléments sensoriels ce quid cognitif, intellectuel. Pourquoi tu as choisi la musique comme outil ? Oui, ça c'est le grand mystère que j'essaie d'explorer depuis toujours et que je finirai d'explorer le jour de ma mort. Je viens d'une famille qui n'a pas d'artiste. Mon père était bâtisseur, mon grand-père, mon arrière-grand-père, la famille était plutôt dans le bâtiment. Si vous voulez, il y a un côté aussi artistique parce que c'était d'abord des artisans, ensuite c'est devenu un peu mécanisé et maintenant, c'est peut-être presque uniquement par des machines et très peu par un savoir artisanal. Donc, pas d'artistes, pas de musiciens. Éducation catholique, je l'ai tous les dimanches à l'église. Et moi, je l'ai avec plaisir d'assister à la messe parce qu'il y avait un orgue. Surtout quand on est dans une église particulière de ma ville, Bergame, au cimetière de Bergame. Parce que l'organiste était très bien. Il y avait un super orgue moderne qui venait d'être construit à l'époque, dans les années 60 et quelques. Et donc, je l'ai écouté la musique. Et je faisais ma plongée dans la musique, presque uniquement dans la musique, et pendant les parties, disons, mortes de la messe, les prières, voilà. Je remémorais, je faisais un peu travailler ma tête, je chantais à l'intérieur de moi la musique que je venais d'écouter. Donc, aucun souvenir des pièces. Ça avait l'air d'être du Bach, très somptueux, très contrepointique, mais je n'avais pas d'éducation. J'avais 5, 6 ans, 7 ans. Ça me plaisait énormément et je m'isolais du reste du monde pour écouter et pour faire vivre la musique dans ma tête. Et je passais un bon moment d'une heure, alors que pour les enfants, normalement, c'était un moment terrible, d'ennui total. Ensuite, j'ai rencontré la musique à l'école secondaire, ce qu'on appelle scuola media en Italie, à l'âge de 11, 12, 13 ans, les trois années qu'on fait d'école secondaire, où on avait maintenant, je ne sais plus exactement, je ne connais pas le système éducatif italien, par rapport à la musique, et je crois que ça n'a pas trop changé. Donc, l'éducation musicale, on l'avait et on l'a de 11 jusqu'à 13, avec une heure d'éducation musicale par semaine. Et là, j'ai eu la chance d'écouter de la musique, d'avoir des pièces de musique jouées par un vieux tourne-disque avec de mauvaises enceintes. Mais mon prof arrivait, mettait ça sur une table. Il nous demandait le silence. Il parlait un peu de la pièce. Et il pouvait faire écouter une pièce une symphonie entière de Beethoven, ce qui représentait une durée considérable pour un étudiant de cet âge-là, une demi-heure. Voilà, on passait une demi-heure en écoutant. Et encore une fois, c'était une expérience d'isolation du monde extérieur et de découverte de cette force, de cette énergie. Puis on avait le côté donc éducatif, introduction, présentation de questions que le prof nous posait. Peu à peu, je commençais à comprendre que la musique était pas seulement cette histoire de se sentir bien avec une ambiance, un environnement sonore, mais qu'il y a quelque chose qui apporte. Donc, à partir de 13 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à une école de musique. Je voulais être organiste, parce que bon, le souvenir de l'orgue était encore actif. Pour être organiste, il fallait d'abord étudier, faire du piano. Donc, je fais mes cours de piano, solfège, etc. J'ai découvert que pendant les années d'études de piano, que j'avais plus de plaisir à tirer des pièces inspirées par les petites pièces que je devais apprendre. Et peu à peu, mon côté compositeur a commencé à se développer. Le premier prof de piano était pour les pianos. Il m'a demandé de me considérer un petit pianiste. Donc, il m'incitait à être pianiste. Le deuxième n'était pas un très bon prof de piano, mais il avait compris que j'avais une certaine envie et il m'a stimulé à écrire. Et puis, il a dit à un moment donné, je pense que tu es plus attiré par l'écriture musicale que par le jeu. Et à partir de là, oui, je me suis convaincu qu'il fallait écrire. J'ai pris contact avec des compositeurs italiens. J'avais 16 ans. Je suis allé rendre visite à Luigi Nono à Venise et à d'autres compositeurs importants de l'époque. Et bon, après, c'est devenu quelque chose de très rationnel. Et depuis, j'ai plus abandonné. J'ai fait des études en parallèle de chimie. Mais bon, j'étais un mauvais pianiste, mais je suis un mauvais chimiste. Et donc, la musique, pour moi, est d'un côté une sorte de revanche, pas contre, mais c'est une façon pour montrer à ma famille que, parce que j'étais très déconseillé de faire ce que j'ai fait, que ça pouvait être pas seulement une vocation, une mission, mais un métier. Et c'est devenu un métier. La chimie, c'était imposé par les parents. Et puis que cette discipline qui avait en plus ses valeurs de devoir montrer à quelqu'un qu'elle était importante est devenue une éponge. Tout a commencé à passer par la musique et tout passe encore aujourd'hui par la musique. Pour moi, c'est vrai qu'être artiste dans ce monde si peu poétique est un privilège si on l'est parce que on enseigne au conservatoire, donc on a une sorte d'étiquette sociale. Mais à part ça, moi je pense que oui, je vis le monde de façon musicale. Si je peux encore ajouter quelques éléments, pas pour vouloir, comment dire, vouloir surajouter je ne veux pas convaincre personne. Mais j'essaie de faire comprendre pourquoi un artiste ou quelqu'un qui a une vision artistique des choses donne de l'importance à des aspects immatériels ou peu productifs au sens marchand du terme. C'est parce que, d'abord, c'est un privilège, et quand on a ce privilège, on voudrait que ce soit pas seulement un privilège. Le monde serait sans doute mieux si on était tous artistes. Heureusement, on l'est pas. Mais, par exemple, si on est des démocrates, moi, je pense que l'artiste est un démocrate. Dans un monde qui devient de moins en moins démocratique, notre métier est un métier collectif. Les hiérarchies sont toujours en discussion. L'expérience la plus intéressante qu'un compositeur peut faire, quand il arrive devant un orchestre qui doit jouer sa musique, lui très convaincu de la qualité de sa partition et aussi de la supériorité de ses pensées, non, un peu artiste narcissique. Normalement, ils sont tous narcissiques et bien enfermés dans sa tour d'ivoire. Et après, bon, il a besoin d'interprètes pour faire jouer sa musique. Alors, la tour d'ivoire peut s'écrouler, peut avoir des fenêtres, peut être bien moins protective que l'artiste le pensait, parce que devant 100 personnes qui doivent jouer, doivent créer une pièce qui, pour l'instant, existe sous forme graphique, des notes et symboliques, toutes les faiblesses sont dévoilées, la faiblesse humaine, la faiblesse d'écriture, les aspects cachés, c'est très symptomatique, on ne sait pas pourquoi on écrit, et le moment où on joue la musique, on dit « Ah tiens, c'est ça, donc c'est pour ça ». Et puis, voilà, les 100 personnes musiciens d'excellence, normalement ils sont tous bien, non, tous démocrates, tous très bien, doivent servir une personne qui a composé la pièce, et alors là, on réalise que sans les 100 personnes et eux sans le petit bonhomme qui a l'air d'être le plus intelligent de tout le monde et alors qu'il est simplement au service de cet orchestre, voilà, on comprend que ça ne peut qu'être collectif, ça ne peut que marcher avec une petite communauté de personnes qui croient dans quelque chose de très profond et donc on est des démocrates au vrai sens du terme, je pense. Ce serait un bon modèle politique. Bon, après, Fellini a fait ce film Prova d'orchestre dans lequel il se passe exactement le contraire. L'orchestre devient une métaphore du chaos contemporain où les gens n'arrivent pas à s'accorder, même pour les choses normales. Je crois que la véritable expérience qu'on fait, bien sûr, on peut tomber dans des cas pas trop positifs, un mauvais orchestre, des gens de mauvaise volonté, une pièce trop dure. Mais en général, si le compositeur écrit une pièce jouable, c'est toujours difficile de dire une belle pièce, parce qu'on ne saura jamais. La postérité dira peut-être un jour. Mais une pièce qui parle aux musiciens, après les choses se passent de la meilleure façon. On peut toujours avoir des incompréhensions. C'est toujours difficile de viser le maximum de précision, pas seulement performative, mais aussi compréhension de la pièce. Donc, performative dans le double sens de bien faire ce qui est écrit et aussi de bien apporter dans la bonne direction l'énergie personnelle de chaque musicien. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment une sorte de société idéale, comme utopique, mais qui peut vivre pendant des répétitions, un concert réussi. Je crois que peu de personnes dans la société d'aujourd'hui peuvent avoir ce genre d'expérience. Un ouvrier qui travaille à l'usine, il est dans une collectivité. Peut-être les ouvriers sont alliés parce que du point de vue politique, ils peuvent être du même côté. Mais ça reste quand même un lieu où la parité, l'équité et surtout cette qualité d'expérience humaine, d'échange, sont impossibles. Donc j'ai énormément de respect pour les musiciens, mais j'ai aussi énormément de respect pour les gens qui peuvent pas travailler comme nous, dans un cadre si bien que nous. Mais j'aime pas considérer l'artiste comme quelqu'un de différent ou d'isolé ou de particulier par rapport à une société. Je pense que je suis un ouvrier de la musique au même titre qu'un musicien d'orchestre, au même titre qu'une cassière de supermarché. J'ai eu de la chance, mais je porte aussi énormément de respect à la matière que j'essaie de plasmer, matière sonore à laquelle j'essaie de donner forme. Donc c'est un énorme respect à la musique, au patrimoine artistique, à l'histoire aussi, parce que on est dans une époque où l'histoire semble s'effriter. C'est plus l'histoire de la civilisation. Je vis un peu un sentiment de dégradation permanente, jour les jours. Les choses sont plus les mêmes qu'avant. Mais c'est pas un esprit de conservateur. C'est que on perd un peu le contact avec ce que l'histoire a pu fabriquer en termes d'œuvres visibles ou écoutables, dans le cas de la musique, mais aussi de savoir-faire. Une des problématiques qui est devenue très importante pour moi est le rapport avec l'intelligence artificielle. Parce que elle est conçue par des êtres humains, mais ça finit par abrutir, dans la plupart des cas, les gens qui s'en servent, qui représentent la masse des consommateurs. Donc j'utilise un ordinateur. L'ordinateur peut faire énormément de choses et on ne sait plus pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne sait plus si ce que un ordinateur nous permet de faire est vrai ou faux. D'où, par exemple, le problème des fake news aujourd'hui. Par Internet, on ne sait plus distinguer la vérité de la bonne nouvelle de la mauvaise. En Italie, je suis italien, ce problème est arrivé au niveau de la politique. Les politiciens italiens peuvent dire des mensonges. Il y aura toujours sur Internet ou quelque part, sur un réseau social, une page quelconque, un scientifique, un idéologue, un théoricien qui va dire « non, c'est comme ça ». Et en tant qu'artiste, cette intelligence artificielle peut aussi poser problème. L'artiste a toujours eu un côté manuel. Donc le peintre a sa marque distinctive parce que par ses mains, il peut faire ça, et un autre artiste ne pourra pas faire par ses mains la même chose. Donc, c'est des marques, c'est des spécificités qui ont à voir avec un savoir-faire qui passe à travers les mains, les organes sensoriels. L'intelligence artificielle, peu à peu, fait perdre ce savoir-faire. Donc, un artisan, aujourd'hui, est devenu quelque chose de très rare, parce que on a perdu un savoir-faire lié à des pratiques artistiques ou non artistiques. Et donc, il est devenu artiste. Ça, pour moi, le statut d'artiste est donné, à mon avis, doit être donné par l'œuvre qu'on fait, le résultat. Donc, la qualité de l'œuvre qu'on a fabriquée permet de dire artiste ou pas artiste. Tout à l'heure, je disais, on est tous artistes. Oui et non. On est tous sensibles à l'art, on aurait tous envie d'être artiste. C'est pas pour tout le monde, comme c'est pas pour tout le monde d'être caissière ou plombier. Ce qui est important, c'est que ce soit qu'on démocratise l'art, qu'on donne accès à l'art à tout le monde de pouvoir vivre à leur façon en rapport avec les œuvres d'art et une expérience artistique presque quotidienne. Mais il ne faut pas confondre cette démocratisation de l'accès à l'art comme une sorte de globalisation de l'artiste. C'est pas parce qu'on est tous artistes que l'art devient plus démocratique. Pour moi, l'artiste est quelqu'un qui est capable de faire des choses dans son domaine. Musicien, architecte, historien de l'art, écrivain, comédien, metteur en scène, etc. Sa façon, il y a une façon très claire où l'individu, la personnalité s'exprime au maximum. Et en s'exprimant au maximum, catalyse des énergies qui viennent d'un public plus ou moins sensible. Ça ne veut pas dire d'être antidémocratique en étant un artiste qui a ces caractéristiques-là, ni qu'on devrait banaliser énormément. Parce que tout le monde, donc on doit démocratiser l'accès à l'art, on doit banaliser le discours artistique pour que tout le monde puisse comprendre. Je suis donc pour qu'on garde bien les distinctions entre quelqu'un qui a cette capacité, mais toujours très exigeante, et la même exigence qui pourrait être chez un public cultivé, éduqué, et qui a besoin de vivre une expérience artistique sans la produire lui-même au même niveau d'exigence. Ça, pour moi, c'est peut-être encore une fois un monde utopique, mais c'est ma vision de l'art qui n'a rien d'élitiste, je trouve. Du moment où les choses sont claires et que l'échange se passe au plus haut niveau, du côté du créateur comme du côté du récepteur, du public. Il y a un mot italien que je ne peux pas traduire, fruitore, celui qui absorbe, mais de la façon la plus nourrissante, le contenu artistique qu'on lui offre. Oui. Et par rapport à ça, toi, tu es aussi enseignante, tu es enfin professeur de composition. Comment tu te situes? Quel est le rôle, à ton avis, du professeur dans ce processus-là? Oui, on le dit avec un témoin qui est à côté, qui est mon élève, Daniel Apodaca, basque, avec moi depuis 2 ans et 1 année Erasmus. Bah oui, je crois qu'un artiste doit être aussi un communicateur, mais pas dans le sens du marketing, mais dans le sens de trouver une ligne de pensée et être capable de l'exprimer dans le travail qu'il fait. Il doit être aussi un pédagogue, parce que finalement c'est la même chose. Pour pouvoir parler de ma musique, il faut aussi faire des liens, tisser des liens avec l'histoire, on le disait tout à l'heure. Donc c'est inévitable de parler de moi à travers d'autres. C'est pour ça que quand on est véritablement artiste, on s'en fiche du narcissisme. Si je fais référence à un autre compositeur, c'est parce que je l'admire, parce que je trouve qu'il a été essentiel pour mon développement à moi, mon discours à moi, et il est inévitable de parler de lui. Donc, c'est pas pour tricher, si vous voulez, c'est pas, même pas pour parler de moi, c'est pour parler de la musique via un certain nombre de, comme un arbre, non, qui a plusieurs branches, pour arriver aux petites pommes que je représente. Voilà. Donc, être enseignant, c'est très important. Aujourd'hui, encore plus difficile parce que face à l'intelligence artificielle, à la globalisation, aux énormes possibilités de communiquer, c'est auto-éduqué qu'on a. On pourrait dire que, bon, on va sur Internet, Wikipédia, on s'est fait une culture personnelle, même pour la composition. Donc, le rapport humain doit apporter plus que la pure connaissance théorique. Et alors, c'est un peu comme à l'époque de la Renaissance. C'est comme si on travaillait dans le même atelier. Et c'est beaucoup plus formateur, comme ça, que d'avoir... C'est une synergie entre la pratique et la théorie qu'on peut pas avoir si on fait une sorte de auto-éducation rapide sur Internet. Mais alors, par rapport à l'intelligence artificielle et Internet, de plus en plus, les jeunes, je parle en tant que vieux, pensent que la technologie n'est pas simplement un raccourci, mais c'est vraiment la façon privilégiée pour comprendre. Pourquoi? Parce que technologie signifie accès aux documents, signifie consultation rapide d'un document. Quelqu'un peut aussi penser que par ça, on peut aussi assimiler plus vite, donc devenir compositeur beaucoup plus rapidement. Et dans mon expérience de prof de composition, qui est de plus de 20 ans ou 25, je n'ai vu de gens qui s'y sont sentis artistes, qui ont vite fait trouver une façon de s'exprimer en tant qu'artiste sans se soucier de leur formation. Je suis désolé, mais la globalisation, la technologie et l'intelligence artificielle n'arriveront pas à remplacer les moyens traditionnels qu'on a de trouver une voie personnelle, de trouver la meilleure façon de l'exprimer et surtout de donner forme, comme je disais en ouverture de mon trop long discours, donner une forme acceptable à des pulsions, à des sentiments, à des fantasmes. Tout ça, c'est un très long travail. C'est comme un psychanalyste et on sait bien que l'analyse dure des années et des années. Et je me sens un peu psychanalyste vis-à-vis de mes étudiants, de mes élèves, parce que il faut faire ce travail de raccord entre un monde qui peut être très riche et très désordonné, et aussi un monde externe objectif à conquérir peu à peu les techniques de composition, puis trouver celle qui va bien avec ce monde intérieur insaisissable. C'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un raccourci qu'on fait clic. Un logiciel nous permet de faire un peu plus vite parce qu'il y a des procédures automatiques qu'on laisse faire, dont on n'a plus conscience et on se déresponsabilise. Donc on a vite fait un produit avec notre ego d'artiste, on va dire, oui, c'est moi qui l'a fait. et voilà des pièces. Après, bon, comme on dit toujours, l'histoire jugera, mais comme je suis pessimiste, l'histoire peut-être est déjà finie ou va bientôt finir. Alors cette capacité de discerner entre le bon et le mauvais, le profond et le léger, l'œuvre qui a un discours qui va au-delà de l'épidermie sensuelle, mais qui a envie de dire, de parler, qui touche des cordes intellectuelles, sensibles, hein, émotionnelles, ça, je crois que c'est l'histoire, oui, mais qu'est-ce qu'est devenu l'histoire? C'est sans doute un jugement a posteriori. Je voudrais seulement pas que ce posteriori soit la fin de l'humanité avec un cataclysme écologique qui va détruire énormément de partitions, par exemple, de papier. Tout va brûler. Les tableaux vont aussi disparaître. Et après, je me pose sérieusement le problème, pas seulement de l'intelligence artificielle, comment ne pas perdre le savoir-faire qu'on a acquis par des siècles et des siècles, parce qu'on fait plus vite avec l'intelligence artificielle. Mais je me pose aussi le problème de ce qu'on va laisser, les traces qu'on va laisser, comment elles pourront être valables pour les générations futures, ou bien pour une sorte de après-civilisation, ou civilisation globale, qui va être un peu le résultat de tous les cataclysmes géopolitiques auquel on assiste, et aussi environnemental, écologique, auquel on assiste aujourd'hui, avec beaucoup d'indifférence. Alors, on bascule sur un... C'est par un autre sujet, mais je voudrais qu'on parle un peu de poésie, parce que j'ai l'impression que la poésie, c'est très important pour toi, et dans le lien que tu as à la musique, à ta composition. Et qu'est-ce qui t'a amené déjà vers la poésie, pour la musique, et comment ça s'est développé au fil du temps, ce lien pour toi? Oui, un peu le hasard, parce que ma première pièce, Opus moins 12, est une pièce avec voix, un poème de Pablo Neruda. Bon, je suis tombé dessus, ça m'a plu. J'ai raccordé peut-être, parce que c'était un poème dans un recueil, tiré d'un recueil qui s'appelle Le Livre des Questions, en espagnol. Libro de las preguntas. De las preguntas, c'est exactement ça. Et alors tous les vers, les lignes du poème, deux lignes plus deux lignes, terminées par un point d'interrogation. Et c'était des mots très chantants. Plus le point d'interrogation, puis l'espace vide entre les deux lignes, plus les deux lignes, puis la brièveté du texte, puis mon histoire d'être un peu perdu dans un monde sonore, parce que oui, j'avais 14, 15 ans, je faisais de la chimie, mais j'aimais pas, j'étudiais mon piano, j'allais à l'école, et quand je rentrais chez moi, je voulais faire du piano et pas étudier la chimie, et donc j'étais un peu perdu dans un monde un peu autiste. Ces mots résonnaient énormément, surtout parce qu'il y avait la question. Donc c'est comme si je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, pourquoi tu fais la chimie, c'est quoi le sens de ce que tu fais? Donc, à 20 ans, c'est ma première pièce, véritable pièce de musique contemporaine, et je l'ai écrite à 20 ans. J'ai récupéré ce texte que j'avais vu peut-être à l'école, dans les heures de littérature italienne, mais on faisait aussi de la poésie sud-américaine, chilienne. Mais Neruda était très connu en Italie. Et j'ai donc ressorti ce poème et je l'ai mis en musique. Ma deuxième pièce, donc ça c'est mon opus. Il y a eu d'autres pièces instrumentales, vocales, dont j'ai perdu un peu le souvenir. Mais mon opus zéro, c'est une pièce avec des poèmes, un poème de Hölderlin, signé Scardanelli. Et cette pièce, j'ai voulu, après 15 ans, la réhabiliter dans mon catalogue. C'est mon opus zéro, je l'appelle opus zéro, parce que je l'ai composé à l'âge de 23 ans. Un peu du mal avec l'enfance, l'enfant que j'étais. Il y a eu encore des pièces instrumentales acceptées, mais pas acceptées dans mon catalogue. À partir de 88, toutes les pièces sont acceptées. Donc, disons, j'étais vraiment compositeur. Ça fait donc 88, 2018, 30 ans. Juste? Ah, bah, je suis encore jeune. Toutes les pièces à partir de 88 sont des pièces à moi. Donc c'est aussi pour moi important que la première pièce officielle du catalogue soit une pièce avec voix d'un poète italien, Franco Fortini, décédé il y a une quinzaine, voire plus d'années, et puis d'autres en suivi. Donc c'est un peu comme Berg, Webern, c'est pas pour me mettre au même niveau, mais démarrer un parcours de découverte de sa voix personnelle en passant par des poèmes, comme Berg et Webern l'ont fait, conseillé par Schoenberg, le grand maître, peut-être est un parcours efficace parce que ça permet de faire résonner une voix externe qui est très sonore, très musicale comme la voix d'un poète. Il faut voir aussi les caractéristiques des poètes choisis, mais moi je choisissais en général des poètes importants dont les poèmes avaient ce côté sonore, cet aspect sonore très musical. Tout ça fait surgir des idées musicales dans la tête du jeune compositeur. Et c'est une démarche que j'encourage encore aujourd'hui avec mes élèves, surtout ceux qui ont des blocages, de peut-être pas de faire chanter un poème, donc d'écrire une pièce pour voix et instrument ou piano, mais simplement de s'inspirer un poème, de le faire vivre dans une pièce instrumentale. Ça apporte des idées, ça donne aussi des idées formelles. Le poème a une petite architecture. Et puis, je dis la dernière chose sur ça. Ça permet d'apporter, de faire comprendre que la musique, aussi bien que la poésie, il y a un aspect sémantique et un aspect asémantique, sonore, purement sonore, qui sont en parfait équilibre. Et l'exemple que je donne toujours, c'est pas pour encourager une démarche qui va vers le passé pour récupérer des procédés poétiques ou musicales. Mais c'est simplement pour donner une idée claire de ma pensée. La rime, donc j'encourage pas à écrire ni des rimes, ni d'écrire de la musique, l'équivalent, qui serait l'équivalent des rimes. Mais la rime peut associer des mots qui n'ont rien à voir par une sonorité semblable à la fin de la dernière syllabe. Sonne d'un mot, sonne comme la dernière syllabe d'un tout autre mot. Le fait que le son mette en rapport deux mots qui ont des résonances sémantiques pas forcément semblables permet de faire rayonner ces mots. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec le son parce que la signification apporte au son. Tiens, ces deux mots sonnent de la même manière. Pourquoi ? Encore une fois, la question. Et aussi le contraire, ce son qui avait l'air de rien, finalement, un côté signifiant qui est ce mot, et puis c'est ce mot, cet autre mot qui n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le poète? Pourquoi les met en rapport? Et le compositeur s'imagine que derrière ce rapport, il y a une valeur cognitive qu'il voudrait lui aussi mettre dans sa musique. Malheureusement, il est impossible, mais cette intention est forte et finit par marquer les choix des sonorités ou des procédés plus complexes que le compositeur adopte. S'il s'imagine que ça pourrait être une rime ou bien tous les procédés sonores d'un poème, il n'y a pas que la rime, mais c'est vraiment une structure qui sonne et qui met les mots en relation, dans une relation qui va au-delà du sens, disons, normal d'une phrase ou d'un mot. Merci. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est plus une question sur des recommandations d'écoute, de morceaux, de compositeurs, etc. Mmh. Et puisque tu as parlé plusieurs fois d'être plongé dans la musique et d'être immergé, voilà, si tu as quelques exemples de pièces pour les auditeurs et auditrices qui permettraient d'aller se plonger dans la musique. Du passé comme du... Comme du... De la modernité. Oui, tout à fait. À mon avis, je dis un peu... Je donne les noms des plages dans lesquelles j'aime me baigner. Alors, en tant qu'Italien, pour moi, mais c'est pas parce que je suis italien, mais de toute façon, c'est mon compatriote, donc il faut que je dise qu'un des génies, les Allemands ont Bach et nous avons Monteverdi. Pour moi, sans Bach, on n'aurait pas pu avoir un certain nombre de compositeurs. Et sans Monteverdi, on n'aurait pas pu avoir l'opéra, par exemple, et trouver cette façon fantastique de lier, d'associer le geste, les mots, l'action, le commentaire instrumental, créer un style dans lequel les instruments parlent, et les chanteurs vocalisent ou produisent des sons comme si c'était des instruments. Donc c'est Monteverdi, Orfeo par exemple, découvrir l'opéra en commençant par Orfeo, c'est magnifique. C'est magnifique son premier opéra, qui n'est pas un véritable opéra, mais c'est le prototype de l'opéra. Et puis par la sonorité des instruments d'époque, ça c'est encore maintenant, tout le monde joue la musique ancienne comme il faut. Il faut récupérer les pratiques interprétatives et aussi les instruments, la fabrication des instruments ou des archers de l'époque. Et on les fait de manière moins érudite et moins scientifique et moins froide qu'on le faisait quand moi j'étais un jeune compositeur. Donc maintenant on le fait vraiment avec un vrai savoir-faire qu'on a pu retrouver. Musique pour passer à l'opposé, nos jours, le plus grand compositeur vivant aujourd'hui est Helmut Lachenmann. Et il faut plonger dans son univers qui est très dur parfois, mais très riche et surtout très dense de significations possibles. Donc on se baigne, on boit comme si on se baignait dans la bière, on se nourrit, on a plein de choses à devoir comprendre et explorer. Et je trouve qu'il est vraiment capable de le faire d'une façon plaisante pour l'auditeur. Et pas comme souvent on a dit de la musique contemporaine, de façon intellectuelle ou bien démonstrative, côté technologique du progrès musical, ou bien polémique. On est contre la musique du passé, on est contre les habitudes du passé, donc il faut faire autre chose, il faut avoir des pratiques qui cassent, qui rompent avec la tradition. Ça, bon, une valeur historique sans doute, mais résultat musical, produit, qualité de l'œuvre, poids spécifique de l'œuvre, comme je disais, c'est l'œuvre, c'est pas le geste qui fait l'artiste. Ça, pour moi, c'est très important. Puis, l'expérience de la musique française de Debussy, Ravel a été pour moi très importante pour aiguiser cette sensibilité au son. Un son qui séduit, mais pas seulement ça, qui fascine, qui charme, qui contient un mystère. Et tout ce qui est mystérieux est une source possible d'un contenu à découvrir. Donc c'est une source pour la pensée, une très grande stimulation à la pensée. Il y a ça, Beethoven, que je n'arrête jamais je finis jamais de redécouvrir. Beethoven, c'est un architecte le plus riche que je connaisse. Bon, Schubert, parce que j'ai quelques affinités temperamentales avec lui. Et aussi parce qu'il a un côté mystérieux et l'air de rien. Et toujours un peu ambigu entre la douleur, le plaisir. Un maître de cette qualité sublime de pouvoir dire les choses de manière simple mais riche. Et bon, Bach, bien sûr. Et puis, bon, l'école de Vienne, je ne pourrais jamais m'arrêter, en fait. Oui. Ok. Merci beaucoup, Stefano. C'est moi. Et puis, moi, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs, aux auditrices d'aller découvrir un petit peu tout ça, et puis ta musique aussi, évidemment. Oui, oui. Moi, je suis au service de la musique. Hein. Aller découvrir la musique, pas la musique de Stefano Gervasoni. Toute la musique. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode du Cœur à l'ouvrage. N'hésitez pas à commenter, partager et suivre ce podcast sur les différents réseaux sociaux. À très vite pour un prochain épisode.